We've missed the bar. Shivia. Babjum. Subailo. Massimo. Brain damage, irrémédiable, dommage, dans ma brain, dans ma brain, irrémédiable, dommage. The lunatic is in the club. The lunatic is in the club. Remember C'est la question existentielle qui nous traverse tous. Sans trop de brain damage. Try ya. Dans un scénario intercontinental, grâce à Ninja, nous sommes réunis pour exchange. We're trying, we fail. We try again. Exploring the present, sharing around the room. Trying to fail better. I believe, I hope, I believe, I hope. It's a mistake, no hope, no wait, no goal. Master, no way, no. No God, no master, no way, no. No God, no master. My friend is a she. All around the world. What a wonderful word. Les humains. Il n'y a pas que des cactus. Moi je me pique de le savoir, mais dans la vie, il n'y a pas que des... The lunatic is on the grass. Toujours le lunatique est dans la place, car recherchant sa montre. De mon aïwa. Recherchant sa menta dans le bronc. Chiclant de mon aïwa. Recherchant Samantha n'existe pas. Soudain, tu me dis, je me fonds. Collapse, collapse, collapse, collapse, collapse, collapse, collapse, Samantha. Exploring my limits. Explore, exploring, exploring limits. My limits. Explore you. Even when I sleep, I just walk on the border. Pas loin. Quand t'es pas dessous, pas loin. Quand t'es pas dessous, pas loin. Able to touch, Apple to play, Apple to love, Apple to create. Thank you.